au fait, vous m'aviez dit qu'il y avait 8 personnes à cette soirée, mais vous n'avez jamais expliqué qui était la 8e personne. Alors, c'est qui?